ce genre de captivité est une expérience intransmissible, incommunicable. Goulag, le système concentrationnaire soviétique. Chalamov et les récits de la Kolyma. En un sens, vous pouvez considérer tout Solzhenitsyn comme un effort, un essai de réponse à Chalamov. Oui. Chalamov, c'est l'horreur pure. Oui. Si une fois dans votre vie, vous voulez savoir jusqu'où va l'inhumanité, une fois dans notre vie, il faut mettre en doute l'humanité, comme dirait Descartes, eh bien, lisez Chalamov. Et je crois que tout l'archipel du Goulag se comprend comme une réponse humaniste, religieuse, à quelque chose qui est au-delà de l'humain, au-delà de Dieu, au-delà du diable, qui est de glace. Et bon, bien sûr, c'est le témoignage sur le dernier cercle de l'enfer, mais c'est beaucoup plus qu'un témoignage, c'est une œuvre littéraire, c'est une des très, très grandes œuvres littéraires du siècle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. André Glucksmann, au moment où on commençait à découvrir en France l'œuvre de Chalamov, c'était avant l'ouverture des archives soviétiques, puisque maintenant on a sur le goulag, Nicolas Werth nous l'a expliqué, beaucoup de documentation bureaucratique. Il y a aussi la documentation qui vient de la justice, parce que parfois les condamnés l'étaient après un procès et un jugement. Longtemps, on avait disposé seulement de la littérature des témoins. Qu'a étudié à la recherche de l'indicible notre invité Luba Jorgensen. Bonjour. Bonjour. Professeur en Sorbonne, et vous avez beaucoup contribué à l'établissement chez Verdier de l'œuvre dans son entièreté, l'œuvre de Chalamov. Oui, c'est chez Verdier que les récits de la Kolyma sont parus dans la version intégrale en 2003. Donc 15 ans après le témoignage de Glucksmann qu'on entendait. Je vous propose, parce que le nom de Chalamov n'est pas encore universellement connu comme celui de Solzhenitsyn, auquel le comparait Glucksmann, de faire peut-être un peu le récit de sa vie. 1937, la grande terreur, les purges à l'intérieur du parti, des détenus doivent se voir attribuer des condamnations pour des activités définies par un article particulier, l'article 58 du Code pénal. Alors l'article 58 vise, donc c'est un article qui est utilisé pour punir les crimes dits politiques, c'est-à-dire c'est sous cet article que sont regroupés tous les détenus, tous les condamnés soi-disant pour des crimes contre-révolutionnaires. Mais ce qu'il faut voir, c'est que en réalité, parmi les condamnés au titre de l'article 58, il y a très peu de véritables contre-révolutionnaires. Il y en aura de moins en moins, voire plus du tout. Ce sont des gens absolument innocents qui sont frappés par de lourdes peines en vertu de cet article. Donc Chalamov, par exemple, le jeune Chalamov, il faut le relier à des chefs d'accusation. Alors de quoi est-il convaincu? De propagande anti-soviétique? Alors pas tout de suite, pas tout de suite en fait, parce que Chalamov connaîtra deux condamnations à partir de 37. En tout, il y en aura trois. Il a déjà été arrêté une première fois en 29 et envoyé à la Vichera pour une véritable, là pour le coup, activité d'opposant. Qui était lié à des trotskistes, sans qu'il soit lui véritablement trotskiste. Donc, en 37, comme la plupart d'anciens, de ceux qui ont déjà un casier en tant que soi-disant politique, il est de nouveau arrêté et là condamné en tant que trotskiste. Et envoyé dans un endroit que vous allez nous présenter, dans une capitale du goulag, fort éloignée, Magadan. De quelle manière se déroulait l'itinéraire des prisonniers? Il y avait plusieurs étapes. Quand il y avait suffisamment de prisonniers, c'est-à-dire généralement 1000, 1500, 2000, ils embarquaient au port de Vladivostok ou celui de Vanino. Et ils faisaient la traversée à bord d'un bateau appartenant à la compagnie d'Alstroy. Ils voyageaient à fond de cale, dans une cale faite de planches en bois, et dans laquelle il y avait des lits de prison, sur plusieurs niveaux. Après 10 à 12 jours de traversée en mer, les prisonniers atteignaient Magadan. Là, ils étaient enregistrés. Des livrets d'enregistrement existent, où sont notés l'heure d'arrivée, le nom de famille du prisonnier, son numéro de matricule, celui du navire par lequel il est arrivé. Mais alors, attendez, 12 jours de bateau depuis Vladivostok jusqu'à Magadan, la capitale de la Kolyma. On va parler des récits de la Kolyma. Ouais. C'est une île ? Non, ce n'est pas une île, mais les prisonniers en parlent pourtant comme étant une île, puisque tout le reste est le continent. Ils en parlent aussi comme étant une autre planète. C'est perçu comme un lieu totalement séparé du reste de l'Union soviétique. Il faut dire que c'est quand même une région très très éloignée. Il faut aller voir sur la carte l'extrême nord-est, vraiment tout à fait au nord, tout à fait à l'est. Et en même temps, c'est une région qui fait 6 fois la France. Donc, une sorte d'immensité glacée 10 mois par an et très minérale. C'est-à-dire, c'est une région tellement froide, les températures atteignent moins 60. C'est-à-dire qu'on arrêterait de travailler dès qu'il fait moins 56, quand le crachat qui vole en l'air tout à fait gèle. Oui, c'est une variante contemporaine du lac Cocytes de Dante, où les larmes des damnés gèlent. Oui, parce que l'enfer de Dante, c'est glacé. Alors, Chalamov est particulièrement frappé par le fait que dans le dernier cercle de l'enfer, il y a ce lac glacé, le Cocytes. C'est une référence d'écrivain, ça. Tout à fait. Alors, les écrivains au goulag. Maurice Nadeau, dont on va entendre le témoignage, regretté Maurice Nadeau. Il a publié beaucoup de littérature dissidente et il est un des auteurs de la découverte en France de Chalamov. Je m'occupais en France de ce qui se passait en URSS, c'est-à-dire les dissidents au fond. Je recevais les samizdat par des voies détournées et Chalamov, j'ai reçu par une amie qui connaissait un ami qui travaillait à l'ambassade de France. Un rouleau de pellicule, c'était son ouvrage sur les camps. Pour moi, c'était pas parce qu'ils étaient dissidents, mais c'est parce qu'ils étaient des écrivains aussi. C'est toujours la même distinction que je fais. Alors bien sûr, j'étais d'accord avec eux. J'étais d'accord dans le travail qu'ils faisaient politiquement, mais ils faisaient pas un gros travail politiquement. Ils n'avaient pas la possibilité d'en faire. Ils s'exprimaient clandestinement. Alors, quand il m'envoyait des choses, bon, c'était pain béni pour moi, je le publiais. Et comment a été accueillie la publication de Chalamov ? Ben, Chalamov, assez comme ça, on n'a pas voulu y croire. Il y en a quelques-uns, il y a eu quelques articles quand même, qu'on dit c'est pas possible, enfin. Et il racontait les cas de cannibalisme dans les camps. Des choses effroyables. Et il voulait pas faire du théâtre, enfin, des choses spectaculaires. Il racontait vraiment comment ça se passait, et c'est effroyable. On voulait pas croire. Luba Jorgensen, vous avez publié avec Nicolas Werth un recueil d'archives et témoignages du Goulag, c'est chez Bouquin Lafond. Et ce qu'il y a dans les archives, ça corrobore ce qu'il y a chez Chalamov, ou bien il y a des choses chez Chalamov qui sont dites et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les archives. On retrouve la plupart des choses. C'est ce qui nous a intéressés dans ce travail avec Nicolas Werth, c'est de voir comment les textes littéraires permettent d'interpréter les archives, parce que les archives sont des chiffres, des données sèches. Il faut la littérature pour les comprendre. Et comment les archives, à leur tour, corrobore les témoignages, d'autant plus que Chalamov, lui, ne donne aucun chiffre. Hein. C'est-à-dire que, bon, Nicolas Werth en parle mieux que moi, mais quand les archives ont été ouvertes, on s'est rendu compte que certains témoins, comme Solzhenitsyn, par exemple, ont cité des chiffres tout à fait exagérés. Hein. Donc, les archives ont permis de mieux s'y retrouver. Mais Chalamov ne propose jamais de chiffres. Il raconte des situations, il raconte des laps de temps du détenu. Et à ce titre, oui, les archives ont confirmé, même là où certaines choses paraissaient invraisemblables, comme par exemple dans le récit L'écriture, où un juge d'instruction jette au feu le dossier d'un détenu. Donc les historiens ont considéré pendant longtemps que c'était invraisemblable et ont trouvé des preuves dans les archives concernant justement la Colima. Il faut voir que la Colima est aussi un espace à part où on peut observer certaines pratiques qui n'ont pas lieu ailleurs. Les récits, dites-vous, il y a 6 recueils de récits maintenant dans l'édition définitive chez Verdier. Et ce sont de multiples éclats d'une même œuvre, mais on entre dans chaque récit comme on entrerait dans une situation par une fente. Oui, tout à fait. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme après. Ce sont des fragments. Et là où Chalamoff est très fort, c'est que chez lui, il se passe plein de choses entre les fragments. C'est-à-dire dans cet espace, comme dans une chambre obscure à laquelle le lecteur n'a pas accès. Mais, par exemple, une partie des récits est écrite à la première personne, une autre partie à la troisième personne. Donc ce sont les situations sont attribuées à des personnages différents. Donc tantôt des personnages autobiographiques, tantôt des personnages qui sont identifiés comme quelqu'un d'autre. Mais ces personnages se transforment les uns dans les autres, et ces transformations ont lieu, pas sous le regard du lecteur, mais derrière, dans les coulisses. On va prendre un exemple que vous aimez bien, Dessin d'enfant. Un de ces récits de la Colima. Il faut savoir que le goulag, c'est un dispositif très complexe. Il y a les camps avec les détenus, mais il peut y avoir aussi, à proximité, des villages. Où sont les femmes? Où sont les enfants? Alors, il faut imaginer bien qu'on ait une image type et qui correspond évidemment à la plupart des lieux, avec un mirador, avec une palissade, avec une place d'appel. Mais le goulag est un monde, le camp à proprement parler, communique avec d'autres espaces dans cette immensité qui a d'ailleurs été mise en valeur uniquement pour accueillir les camps. Hein. Donc en fait, toute la civilisation à la Colima a été apportée par les camps, hein, la civilisation entre guillemets, mais avec ses hôpitaux, ses théâtres, ses centres culturels. Voilà. Et donc, on a à la fois des détenus, on a des déportés spéciaux qui ont un statut intermédiaire entre libres et détenus. Ils ne sont pas détenus à proprement parler, mais ils ne peuvent pas sortir de leur village. Ils effectuent des travaux relativement proches de ceux des détenus. Et puis on a des contractuels libres qui sont engagés pour aller travailler à la Colima. On a des personnes qui ont été libérées des camps, mais frappées d'une double peine, c'est-à-dire elles n'ont pas le droit de revenir chez elles, donc elles sont employées sur place, et parfois de nouveau arrêtées et réintégrées dans les camps. C'est ainsi qu'il peut y avoir, non loin d'un camp, un village, avec une école, avec des enfants issus d'hommes libres, enfin, libres. Nous avions remarqué depuis longtemps déjà un grand tas d'ordures près de la palissade. C'était une affaire qu'on ne pouvait négliger. Je cassais de mes mains et à coups de pied les morceaux multicolores du tas d'ordures. Après avoir repoussé un chiffon qui ressemblait à des intestins, je vis, pour la première fois depuis des années, un cahier gris d'écolier. C'était un cahier tout à fait ordinaire, un cahier de dessin pour enfants. C'était un cahier terrible. Dans ce cahier, il y avait beaucoup, vraiment beaucoup de palissades. Presque sur chaque dessin, les gens et les maisons étaient entourés de palissades régulières et jaunes, droites et surmontées des traits noirs des barbelés. Il y avait des fils métalliques de type réglementaire sur toutes les palissades du cahier d'enfants. Près des palissades, il y avait des gens. Dans ce cahier, les gens n'étaient ni des paysans, ni des ouvriers, ni des chasseurs. C'étaient des soldats, des hommes d'escorte et des sentinelles, tous armés de fusils. L'enfant n'avait rien vu. Rien retenu d'autre que les maisons jaunâtres, le fil de fer barbelé, les miradors, les bergers allemands, les soldats d'escorte avec leurs mitraillettes et le ciel d'un bleu soutenu. Mon camarade jeta un coup d'œil sur le cahier et en tâta les pages. « Tu aurais mieux fait de chercher du papier journal pour rouler des cigarettes. » Il m'arracha le cahier des mains, le froissa et le rejeta sur le tas d'ordures. Le givre commença de le recouvrir. Alors il y a la fente là, l'hameçon un peu, qui permet le départ du récit, il faut toujours un commencement. Peut-être le moment le plus important, c'est quand, après la remarque du co-détenu, tu as perdu ton temps avec ce cahier, le héros le jette et le givre reprend le cahier. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le sentiment est revenu devant ses dessins d'enfant, mais la fonction des Cantes d'Akolima, c'est de diminuer le sentiment, de l'altérer, de le faire disparaître. Alors Chalamov est justement, en ce sens, il est vraiment, enfin, son œuvre vraiment unique, parce qu'il suit cette diminution des sentiments palier par palier et analyse chaque palier de déshumanisation, à quelle étape d'épuisement, quel sentiment va quitter le détenu. Alors, on a évidemment des témoignages peut-être proches sur les camps nazis, mais ce qui est tout à fait particulier chez Chalamov, c'est qu'il montre aussi le chemin en sens inverse. C'est-à-dire comment les sentiments reviennent si l'on survit. Et les sentiments reviennent à partir du moment où des conditions meilleures permettent de récupérer la conscience est très liée au corps chez lui. Hein. C'est vraiment le corps qui est le siège du sentiment. Et le dernier sentiment avec lequel le détenu s'en va dans la tombe, enfin la tombe c'est une façon de parler, c'est toujours une fosse commune, c'est la rage. Et là, évidemment, Chalamov bouscule complètement toutes les représentations sur l'humain qui ont été forgées par l'humanisme européen. Hein. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas un beau sentiment, c'est la rage. Et lorsqu'on remonte la pente dans l'autre sens, eh bien, après la rage, c'est d'abord une indifférence vis-à-vis de tout. Puis il y a la pitié vers les animaux revient avant celle envers les hommes. Donc voilà, il nous décortique l'humain hein, de cette façon absolument iconoclaste. Le groupe Crématorium, il nous est arrivé, c'est un groupe russe contemporain, de méditer lui aussi sur les tas d'ordures, vent d'immondice. Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Песочный город, построенный мной давным-давно, смыт волной, мой взгляд похож на твой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины, мертвые рыбы в иссохшей реке, зловонный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Avec Luba Jorgensen, nous parlons de Chalamov, des récits de la Kolyma, 6 recueils de récits. Vous parliez du dessaisissement progressif des sentiments. Il y a aussi le dessaisissement progressif des objets. Parce que parfois, le détenu arrive avec une valise, il vaut mieux avoir simplement une musette, et dans la musette, une simple cuillère de bois. L'internement dans un camp du Goulag est un parcours de confiscation. Le détenu commence par perdre ses objets, puis perd progressivement son corps, hein, qui se rétrécit, enfin, qui diminue. Il a de moins en moins de muscles. Et ça finit par la confiscation de la vie. Voilà. Sauf s'il a la chance de pouvoir remonter la pente. On va voir comment Chalamov a remonté la pente. Mais un mot, Luba Jorgensen, un mot de son langage qui est fait de peu de mots, parce que là aussi il y a dessaisissement, jusqu'à ne parler que de situations concrètes, la soupe est chaude, la soupe est froide. Oui, il dit que sa langue était limitée à 20 vocables dans ses moments d'épuisement, et que ces 20 vocables étaient à moitié des jurons. La grande question qu'il pose, sous différentes formes, tout au long des 6 recueils, c'est dans quelle langue m'adresser au lecteur et comment, c'est-à-dire si, dit-il, je m'adresse au lecteur dans la langue du camp, il ne va pas me comprendre. Si je m'adresse au lecteur dans sa langue, à ce moment-là, je falsifie mon expérience. Donc comment se débrouiller avec ça ? Et les 6 recueils sont une forme de réponse à cette question. Mais vous êtes une traductrice infatigable. Alors, quelle difficulté pour la traduction, si vous nous prenez des exemples concrets dans les récits de la Colima? Oula, c'est une vaste question. La difficulté, c'est de rendre à ces mots, justement, leur poids. Comment dire? Si la soupe est chaude, cette phrase prononcée, ou la soupe est froide, hein, cette phrase prononcée dans une cuisine moscovite ou parisienne, elle n'est pas dramatique. Mais cette phrase prononcée dans un camp, elle a un autre poids. Elle peut signifier la mort. Donc cette traduction de la langue du camp vers la langue du lecteur, le lecteur contemporain de Chalamov qui lisait ses textes dans circulant sous le manteau, ne pouvait pas prononcer cette phrase de la même façon que lui. Mais alors encore moins le lecteur français de 2003. Donc c'était quand on a fait les récits de la Colima chez Verdier. Donc c'était comment rendre cette densité et à la fois cette impuissance de la langue à dire l'expérience. Mais nous lisons de l'extérieur et le camp est fermé à l'extérieur. Il est emprisonné pendant la guerre. Oui. Et pour s'intéresser aux rares échos qui pourraient venir du déroulement de la guerre, il faut au moins être un chef d'équipe, avoir la panse un peu repue. Oui, tout à fait. Chalamov, lui, la guerre, il n'en parle pratiquement pas. Il mentionne juste dans un récit qui s'appelle Juin, il mentionne le début de la guerre. Et le début de la guerre l'intéresse uniquement parce que les rations vont diminuer. Ensuite, elles vont augmenter parce que les autorités vont se rendre compte que les hommes sont devenus précieux. Il y en a de moins en moins. Mais voilà, son intérêt pour la guerre se limite à ça. C'est-à-dire on coupe les barbelés parce que voilà, il faut préserver ces quelques détenus qui restent. Et il dit la guerre ne m'intéressait pas plus. Enfin, j'ai accueilli cette nouvelle comme s'il s'agissait d'une guerre au Paraguay. C'est pas du tout son problème. Seul compte le jour que l'on passe dans des conditions plus ou moins difficiles. Le lendemain n'est pas imaginable. Non, le détenu, enfin je cite toujours Chalamov, hein, mais d'autres aussi le disent, le détenu ne regarde jamais au-delà de la fin de la journée. En général, son horizon c'est quelques heures. Hein, les quelques heures qui viennent, est-ce que je vais manger? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir me coucher? Non, jamais de lendemain. Et le passé s'efface aussi. C'est-à-dire que l'identité du détenu, elle est en fait limitée à ces quelques mots qu'il décline à longueur de journée, article, peine, voilà. Mais comment le passé peut-il revenir? Comment la mémoire de ce qu'on a été peut-elle revenir? Alors, il faut que s'améliore la situation matérielle. Ça va arriver, finalement, à Chalamov, qui va prendre des cours, fait un peu à la va-vite, sur le tas, pour devenir aide-médecin. Alors, c'est le paradoxe du Goulag. Hein. Donc, à Magadan, cette capitale, alors, il faut, pour comprendre ce que c'est que cet empire concentrationnaire, on peut rappeler que les camps ont des capitales. Magadan est la capitale du Dalstroï, qui est le trust qui gère les camps de la Colima. Cette ville est construite pour gérer et organiser les camps, pour assurer la logistique des camps. Donc, à un certain moment, on ouvre ces cours d'aide-médecin un aide-médecin, c'est un infirmier un peu perfectionné, à Magadan, qui sont accessibles uniquement aux détenus. Donc c'est un peu dans le cadre de la propagande aussi, hein, de recycler les détenus, leur permettre de se recycler, mais c'est ouvert uniquement aux détenus de droit commun. Avec une seule exception, toujours l'article 58, mais avec l'alinéa 10, à savoir la propagande anti-soviétique. Or, la deuxième peine colimienne de Chalamov, donc il est de nouveau arrêté en 42 et condamné cette fois-ci à 10 ans, mais il est condamné pour propagande anti-soviétique. Donc cette deuxième peine en fait le sauve parce qu'en tant que ça lui permet de s'inscrire ça lui cours. Permet d'intégrer les cours avec l'aide évidemment d'un médecin qui le protège, hein, et il acquiert avec le plus grand sérieux d'ailleurs cette profession qui ne sera valable en fait, qu'à Magadan. Et donc, il est au chaud. Oui. C'est un peu comme si on plongeait de la tisane dans l'eau chaude. Ça s'épanouit. Et il peut retrouver le passé, il peut retrouver la mémoire. Et il peut commencer à écrire ses textes dans sa tête. Ouais. Seulement dans sa tête. Il commence par écrire des poèmes. Ouais. C'est souvent par la poésie que commencent les témoins, d'ailleurs. Ce sont des textes qu'il peut mémoriser. Et il les transcrit ensuite sur des cahiers faits de papier d'emballage, dont deux seront envoyés sur le continent, comme il dit. Hein. Depuis Lille. Depuis Lille. Du rôle de la poste. Ouais. On va entendre Maya Boyarova, la poste de Tom Thor, dont Chalamov était un pilier. Notre région, Loignacon, représente pour lui une époque de très grande inspiration. La poste était son endroit favori. « Mon cher, très cher bureau de poste », écrivait-il, « pour la centième fois, je vais à la poste. » Beaucoup de ses vers sont consacrés à la poste, car c'était pour lui la seule fenêtre sur le monde extérieur. Il recevait des lettres de son aimé et de Boris Pasternak, à qui il envoyait aussi ses écrits. Lettre à Pasternak, 20 décembre 1953. Cher Boris Léonidovitch, j'ai lu votre roman. Jamais je n'aurais cru, jamais je n'aurais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous de ces 15 dernières années, que je lirais votre roman manuscrit, encore inachevé, inédit, et qui plus est envoyé par vous personnellement. Il y a 2 mois à peine, étranger à tout ce qui m'entourait, égaré dans l'hiver, j'essayais timidement ou avec désespoir d'échapper à la violence de ce monde qui écrase l'âme et la corrompt. Un monde auquel je ne suis toujours pas habitué au bout de 17 ans. Le documentaire de Michael Prazan, alors on parle beaucoup cette semaine dans la marche de l'histoire de celui de Werther Rothmann, diffusé sur Arte, consacré lui aussi au goulag. Jamais je n'aurais cru possible ce qui m'arrive. De renouer aussi avec un monde qu'il avait oublié. Ça tient du miracle. Il envoie ses poèmes à Pasternak et il reçoit en retour une lettre qui arrive sur la rive gauche à l'hôpital où il travaillait avant. Donc il va faire 500 km à pied en hiver par différents moyens, en stop, en attelage, pour aller récupérer cette lettre. Donc c'est le sujet du récit qui s'intitule La lettre. Et il reçoit la réponse, cette lettre dans laquelle Pasternak, sur beaucoup de pages, analyse ses poèmes. Donc c'est un miracle absolu. Et effectivement, il sera parmi les premiers lecteurs du docteur Juago, parce que Pasternak s'adresse à lui pour qu'il évalue tout ce qu'il la véracité de tout ce qui touche à la question des répressions. Et comment la vie de Chalamov va-t-elle se dérouler ensuite? Sa vie va être très dure. Il terminera ses jours... Sourd, aveugle. Sourd et aveugle. Et, dans une maison d'invalides. Voilà. Mais le dernier rebond, c'est qu'on l'en extrait pour le mettre dans un hôpital psychiatrique. Oui. Ces derniers jours, il les passe dans un hôpital psychiatrique. Mais en même temps, il écrit cette œuvre. Donc, on peut quand même considérer qu'il a vaincu. Enfin, que c'est un vainqueur, même s'il est un perdant. Et cette formule, vainqueur et perdant à la fois, ça lui correspond bien. Vous citez souvent Essénine, le grand poète. « Je suis un homme perdu, je ne puis revenir en arrière. » Il est revenu en arrière et il n'est pas un homme perdant. Merci à vous, Luba Jurgensen. Les récits de la Colima chez Verdier. Et puis il y a aussi d'autres textes de Chalamov qui sont heureusement disponibles en français maintenant. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco et Franck Olivard, Serge Viguier à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.